et l'entendre au kilomètre, des musiques et puis des textes plutôt pas mal agencés. Et puis de tout enrober dans des atours séducteurs de gentils riffs accrocheurs de quoi. C'est sûr bien plaire à tout un tas d'auditeurs. Je ne sais pas où tout cela finira avant, par nous conduire vers un mur ou un bien les dingues, qui le sait, qui peut le dire. Et en attendant, je trouverai quoi pour moi. Je cherche les failles où le temps est jamais électronique. Cette course qui fait qu'il y a un résultat, c'est tout.